qui tu es, je sais pas non plus où tu es. Je suis pas bavarde, tu le sais pas, faudra t'y habituer. Ces temps-ci ça va vite, je vois pas ma vie changer. Je suis plus dans l'anonymat depuis que je me suis mise à chanter. J'ai peur de décevoir mes proches et ma famille. Je peux faire de nouvelles rencontres, mais je veux pas de nouveaux amis. En fait, je sais pas si t'es loin ou si t'es prêt. Fais-le-moi savoir le jour où t'es prêt. Je te vois, non j'imagine. J'imagine, je t'entends, non j'imagine. J'imagine, tu me parles, non j'imagine. J'imagine, je te sens, non j'imagine. J'imagine, je te vois, non j'imagine. J'imagine, je t'entends, non j'imagine. J'imagine, tu me parles, non j'imagine. J'imagine, je te sens, non j'imagine. J'imagine, oh, à des gens, et ces gens m'ont trahi, ils étaient là par intérêt, ils faisaient les mentalistes, mais toi t'es différent, j'ai fait mon analyse, t'es un homme intelligent, faut pas que je généralise, peut-être que je t'idéalise, ouais je t'idéalise, t'imagines le temps d'un son, laissez-moi ne pas être réaliste, je sais pas si t'es loin ou si t'es prêt, fais-le-moi savoir le jour où t'es prêt, je te vois, non j'imagine, j'imagine, je t'entends. J'imagine, tu me parles, non j'imagine. J'imagine, je te sens, non j'imagine. J'imagine, je te vois, non j'imagine. J'imagine, je t'entends, non j'imagine. J'imagine, tu me parles, non j'imagine. J'imagine, je te sens, non j'imagine. J'imagine, oh.